Radiomatique. Thank you. La transmission 244 d'Audiomatic s'ouvrait sur la musique du projet X-Cross-X, dont la typographie s'écrit ainsi, E-X, symbole de croix, X-E à l'envers. La pièce que nous entendions de ce projet se nomme Your Dark Brown Eyes et se retrouve sur la compilation Future Hymns Part 1, produite par l'étiquette numérique de Games We Play. Restons dans les sonorités électro pour la prochaine séquence musicale avec tout d'abord la formation Howjob.

À Audiomatic, cette séquence de deux pièces terminait sur la musique d'Otaker et leur pièce Sea Fern apparaissant sur l'album Confield paru en 2001. Et avant Otaker, nous écoutions Hojob et la pièce Less sur laquelle on peut entendre la voix de la chanteuse Vanessa Briggs. Cette pièce apparaît sur l'album 99 qui, comme son nom l'indique, est sorti en 1999. Pour ceux qui aiment la pièce, sachez également que celle-ci a fait l'objet d'un single. Sans attendre, Audiomatic se poursuit avec l'artiste Robert Rich. La séquence se terminait sur la musique de l'artiste équatorien Nicolas Cruz, de qui nous entendions la pièce Okami, se retrouvant sur son plus récent album Siku, sorti un peu plus tôt cette année. Et avant Nicolas Cruz, c'était Robert Rich à Audiomatic et la pièce Kaliani, qui se retrouve sur l'album Yang, paru en 2010. Sur cette pièce, outre les sonorités produites par Robert Rich, on pouvait aussi entendre des instruments traditionnels de l'Inde, comme du bansuri et du mridangam, joués par des artistes indiens. Et c'est maintenant le groupe Slow Dive qui assure la continuité d'Audiomatic. I'm so all alone. Wish I could find someone to love. I'm so all alone. Wish I could find someone to love. Let me feel and let me see this love you have for me. Is it forever, like the sun and the sea, you and I, can it be? This old world and you fills my soul and sets me free. This old world I love, and I'm sad when you are gone. It's night and I'm all alone, just like a voice in a word. Is it forever? Nous venons d'écouter la formation montréalaise de Dears et sa pièce Jazz Waltz No. 3 in B-flat qui se retrouve sur le premier album intitulé End of a Hollywood Bedtime Story, sorti en 2000. Avant The Dears, c'était le jazzman Ornette Coleman avec Is It Forever, pièce sur laquelle nous entendions le chanteur Webster Armstrong. Celle-ci se retrouve sur l'album Broken Shadows, sorti en 1982. Et avant Ornette Coleman, nous entendions la formation Slow Dive et sa pièce Sing, apparaissant sur le deuxième album Souvlaki, paru en 1993. Sur cette pièce, on note aussi la contribution de Brian Eno au synthé. Cette transmission 244 d'Audiomatique se terminera sur la musique du défunt groupe de musique industrielle canadien Numb et de sa pièce Guilt, apparaissant sur le premier album homonyme sorti en 1987. Les sonoristes vous donnent rendez-vous mercredi prochain pour la transmission 245 d'Audiomatique qui sera diffusée en direct, comme toujours, dès 17h sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. D'ici là, n'hésitez pas à consulter nos profils mixcloud.com/audiomatique et facebook.com/audiomatique-CFOU afin d'accéder à nos archives. Voici donc pour terminer Numb et la pièce Guilt. C'était Audiomatique avec les sonoristes.